expression française qui signifie que pour l'anniversaire de la Redoute Intérieure, vous allez pouvoir réaliser tous vos projets déco. Jusqu'à moins 40% sur la maison, la literie et même l'électroménager. Alors ne choisissez pas entre le salon ou la chambre, refaites les deux. Profitez aussi de la livraison gratuite toute l'année, même sur les volumineux, avec la Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée de Pierre qui change, avec le lancement de Call of Duty Black Ops 4 en avant-première dès ce soir. Pierre, annule tout ce que t'avais prévu ce soir, c'est-à-dire rien, et viens t'emparer du dernier Call of. Il t'attend. Dès ce soir 20h et jusqu'à mardi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. Et vos soirées changent. Auchan. Et en plus, un cadeau exclusif offert aux 20 000 premiers acheteurs. Voir conditions en magasin, jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Là, je sais. Apéro fleurs, c'est simple comme l'apéro. Ce sont des mini bouquets que vous choisissez en fonction de votre style, de vos envies et même de vos invités du moment. De quoi donner de nouvelles couleurs à chacun de vos moments de partage préférés. Découvrez les apéro fleurs chez votre fleuriste ou sur lajoiedesfleurs.fr. Les trois meilleurs moments de l'émission compilée par Elliot, ça s'appelle le top 3. Et Dieu sait qu'il y a eu du dossier ce matin. On va revenir sur la chanson du jour, je pense. Et non. Très bien. En même temps, c'est choisi par Elliot. Donc, c'est pas forcément les meilleurs moments de l'émission qu'on aurait choisi, nous. Ça arrive après les infos. 9h. Fun Radio. C'est Camille Cazeneuve pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. De la pluie et des orages toujours dans le sud-est de la France aujourd'hui. La vigilance est toujours activée pour 4 départements. Je vous les donne en début de ce journal. Attention donc aux averses et orages autour de la Méditerranée. La pluie qui devrait arriver en fin de journée aussi aujourd'hui dans le nord-ouest de la France. Sinon, soleil et nuages pour les autres régions. Et côté température, eh bien c'est toujours pas mal ce matin, entre 13 et 21 degrés. Dans le détail, cet après-midi, 21 à La Rochelle, 23 à Strasbourg, 24 à Amiens, 25 à Clermont-Ferrand et 26 degrés pour Ajaccio. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont toujours en vigilance orange aux inondations et aux orages. Hier, les pluies diluviennes se sont abattues dans ces départements. Au moins une personne est portée disparue dans le Var. Elle était dans sa voiture lorsque celle-ci a été emportée par la montée des eaux à Sainte-Maxime. La préfecture du Var a mis en place une cellule de crise. Les pompiers ont compté plus de 200 interventions cette nuit. Des personnes ont été mises à l'abri et deux campings vont être évacués à Fréjus. Dans l'actu aussi, le remaniement attendra. Emmanuel Macron a décidé de prendre le temps pour changer son équipe. Une chose est sûre, plusieurs ministères seront touchés par les changements. Le président est arrivé hier en Arménie pour une visite officielle de 2 jours. Au programme, le sommet de la francophonie, mais aussi un hommage à Charles Aznavour. Un bon plan aujourd'hui, la SNCF ouvre la vente de ses billets de train pour les fêtes de fin d'année. Cette ouverture des ventes est le plus gros jour de l'année pour la SNCF. L'an dernier, 40 billets ont été vendus chaque seconde. En sport football, les Bleus de retour sur le terrain. Ils affrontent l'Islande ce soir, un match amical qui se joue à Guingamp, dans le petit stade du Roudourou. Hier, rien que pour l'entraînement, 16 000 personnes présentes. On imagine donc l'ambiance ce soir. Le coup d'envoi de France-Islande, c'est à 21h. Et puis, c'est la dernière ligne droite pour soutenir vos DJ préférés. Dans 5 jours, on clôture les votes des Fun Radio DJ Awards. Alors, direction funradio.fr, vous pouvez voter tous les jours. Le palmarès sera ensuite donné du 18 au 20 octobre en direct de l'ADE d'Amsterdam. Il est 9h03 sur Fun Radio. Jeudi, c'est le 11 octobre, c'est Fun Radio, vous écoutez, 9h03, minutes 40 secondes, on est en direct comme chaque matin, bonjour! Le son dance floor de Fun Radio, c'est Dimitri Vegas, Like Mike, ça va arriver dans quelques secondes, et Calvin Harris, Sam Smith. La team Bruno dans la radio, Christina est là ce matin. Bonjour! Il y a Vaché. Bonjour! Il y a Elliot. Bonjour. Et on va finir une phrase d'un métier avec une pour toi, Elliot. Ah bon? Ouais, qui me fait rire. C'est Massilia qui l'a envoyé. Ça devrait t'aider, normalement, le nom du pseudo. C'est pas grave, les gars. On réessayera l'année prochaine. Entraîneur du Paris Saint-Germain. Ah, je croyais que c'était, tu parlais d'une vanne à moi. Animateur non, mais radio. Et comme il s'appelait Massilia par rapport à Marseille, ça me faisait marrer. Allez, 9h05. Le top 3. Les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot, c'est le top 3. Numéro 3. Et on commence avec le numéro 3. Oui, Bruno, et ce matin à 8h, Vach et Christina sont arrivés en retard dans le studio. On sait pas trop ce qu'ils ont fait. Ah, la balance, quoi. Quoi ? Non, mais c'est vrai. Parce qu'en direct en même temps, donc. Les gens qui nous regardent sur funradio.fr l'ont vu, vous n'étiez pas là. Le couteau dans la plaie, t'as raison. Mais heureusement, vous aviez une bonne excuse. Écoutez, écoutez-la. Qu'est-ce que je vous ai passé ? Dis-moi, vas-y. Alors, on va chercher un café. Deux hommes cagoulés qui arrivent. Donc, nous, on a hyper peur par les temps qui courent et tout. Ils disent on veut de l'argent. Et on dit on a rien. Ils disent bon, pas grave, on est mal réveillés, donnez-nous vos cafés. Et là, je fais non, je donnerai pas. Là, je mets Christina derrière moi. Je fais non, vous n'aurez pas son cappuccino et vous n'aurez pas mon café. C'est ce qu'on va voir, il me dit. Et là, il me pousse comme ça, mais en me poussant, il m'arrache un peu la chemise, il fait baisser mon pantalon. Ouais. Christina, pareil, elle se fait pousser, elle se retrouve toute nue, elle se retrouve sous moi. Et là, on a l'impression que peut-être on était en train de copuler, tu vois. Alors que pas du tout. On s'est fait agresser. Et là, on a vu l'heure, on est arrivé, on s'est rhabillé. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui s'est passé. D'accord. Je vous ai jugé. Désolé. Pourquoi t'as une trace de rouge à lèvres vachée là sur le côté? Mais parce que l'agresseur était coquet. C'est un homme assez coquet. Il m'a fait un petit bisou avant de partir et il a fait une trace. Ok, donc bon, j'ai apprécié ça, par contre. Numéro 2. Numéro 2. Dans le Vache Time, on a joué, j'adore quand on joue à ça. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du jeu? Parce que je me le souviens jamais. Buzz-moi tendrement, c'est un mot assez classe qui désigne un jeu en fait où, dans lequel je vous donne un thème. Moi je suis l'arbitre et vous devez finir la phrase à chaque fois. Enfin, compléter le thème. Enfin, peut-être que le mieux c'est de mettre l'extrait parce que c'est difficile à expliquer. Vous allez voir que Christina ce matin, elle s'est lâchée. Mon Dieu. Elle était folle. Vous êtes prêts? D'accord, ok, vas-y. Insulte avec un animal. Christina. Sale fourmi. Pour une face de zèbre. Elliot. Tête de cochon. Karina. Cul de bouc. Christina. Sale, t'as des pattes d'araignée. Mais attends. T'as des pattes d'araignée, tu l'acceptes. Et moi j'en peux plus. Mais t'as mis ta mère la chienne. C'est classique. Et l'autre, vous imaginez Christina en voiture. Mais dégage de là. Tu sais quoi, je vais te le dire, je m'en fous. T'as des pattes d'araignée. Mais qu'est-ce qu'il a derrière? Il va se calmer la sauterelle. Et je peux vous dire que quand elle clash, elle clash. Bah ouais, elle fait pas semblant, elle. Elle rigole pas. Numéro 1. Numéro 1. Et quand Christina parle anglais, bah, elle parle mal anglais. C'était ce matin dans le pour ou contre. Est-ce que vous étiez pour ou contre la VO? C'était la question de ce matin. Version originale sur les séries. Exactement, ouais. Voilà, version originale, c'est ce que veut dire VO. L'avantage de la VO, il y en a un, c'est que tu sais mieux parler anglais normalement si tu regardes ça beaucoup. Ça peut t'aider, ouais, si tu regardes beaucoup en anglais, au bout d'un moment, tu peux commencer à apprendre, à améliorer en tout cas ton anglais. Je dis normalement, parce que c'est pas trop le cas de Christina ce matin. Mais après, l'avantage, et ça on en a pas assez parlé, c'est qu'une fois que tu regardes toutes les séries en VO, tu parles extrêmement bien anglais. Regardez Christina, qui parlait pas du tout anglais. Là, ça fait quoi, 3 ans que tu regardes des séries en VO, 4 ans, 5 ans? Dis-nous par exemple. Bonne journée sur Fun Radio. Ouais, bonne journée sur Fun Radio. Moi, je vais aller faire un petit thé vert. Ouais. Pendant la pub. Have a good day on Fun Radio. I'm gonna make a green tea. And bye. Ah, c'est génial. Et pendant la pub, c'est bye. During the pub. During the ads. Bye. Mais c'était pas mal. C'est génial. C'est que pour finir avec le hashtag un métier, une phrase, un métier, puisque ouais, tu parlais de thé, il paraît que thé ou café, tu veux un thé ou un café, c'est une phrase de dealer. Ah ouais? Je viens de découvrir ça, ouais. Suivant si tu veux de la beuh ou du shit. Bah, tu vois, comme quoi, on en apprend tous les jours. Allez, vous savez quoi? Si vous vous dites que demain c'était n'importe quoi, rassurez-vous, demain ce sera pire. Aujourd'hui. Le roi doit partir! Annonce royale! Salut Mika, c'est Raph à Dijon. Je voulais te dire que malgré ta passion pour les chevaux, tu vas trop nous manquer. Et maintenant, au galop vers de nouvelles aventures. Salut, c'est JB du 16h-20h de Fun Radio. Mika, on a quelque chose qui nous lie tous les deux à vie. C'est qu'on a démarré notre carrière de radio à Toulouse, à côté de la place Wilson. Toulousain à jamais, vive Toulouse et bonne continuation à toi pour la suite. Coucou Mika, c'est Anna de Fun Radio Nîmes. Je te fais des gros bisous et je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Bonne route à toi. Salut Mika, c'est Adrien. Eh bien, je voulais te souhaiter bonne chance pour la suite de cette aventure, de ton stage avec moi le week-end, puisque oui, tu as été stagiaire avec moi le week-end. week-end, je m'en rappelle. Personne n'a aussi bien touillé mon café que toi. Mais bravo pour tout ce que tu as fait. Et je pense qu'on va se revoir très très très très bientôt, puisque j'ai un petit service à te demander, un petit site internet à fabriquer. Enfin, voilà, tu vois de quoi je parle. Bisous mon Mika et bonne route, à bientôt. Salut Mika, c'est Jason de Fun Radio à Dunkerque. Bah écoute, c'est pour te dire merci pour tout. En tout cas, tu vas beaucoup nous manquer ici sur Fun Radio. Ah Mika, c'est Fred, je te souhaite une bonne route et bah je te laisse. Là, normalement, il devrait y avoir des rires, mais ils ont oublié de les mettre au montage, apparemment. Salut Mika, c'est Flo à Fréjus. Je sais que tu pars pour de nouvelles aventures. Écoute, si tu veux venir dans le sud, nous, on a la plage et le soleil. T'es le bienvenu. Et puis, tu restes dans la famille. On t'oublie pas, Mika. Gros bisous. Attention, Marion, t'es prête? Ouais. Quand je dis mi, tu dis ka. Mika, Mika, Mika, Mika, Mika. Oui, bon, c'est bon, non? Voilà, c'était notre message d'au revoir, mon Miku. On t'embrasse très, très fort. On te souhaite une belle continuation dans ta vie de Mika Oudou et dans ta vie de châtelain. Bisous, on t'aime. Salut Mika, c'est Jérôme. Je te souhaite le meilleur pour ton nouveau projet, dans ton autre passion et pour toujours, forever, gloire au châtelain. Alors que les gens festoyaient, Mika, le châtelain, décida d'enfourcher sa monture vers de nouvelles aventures, à la découverte de contrées inexplorées. Arrivé au sommet de la plus haute colline, il se retourna une dernière fois pour contempler le royaume d'Ensflor. D'un signe de la main, il salua ses compagnons. Ils savaient tous que ce n'était pas un adieu, mais un simple au revoir. Mika, le châtelain. Et c'est là du coup je peux faire gloire au châtelain. Gloire au châtelain. Oh les gars quoi. Je savais qu'on avait un message avec tous les animateurs de Fun Radio. Je croyais que c'était à moi de l'envoyer. Bon, visiblement non, mais t'as compris. Ah oui, très bien. T'as vu ça mec, même Claire Chazal quand elle est partie du 20h, elle a pas eu un message comme ça aussi long. Bon, en même temps, on l'a un peu poussé pour partir du 20h. Ouais. Alors que là, c'est Mika qui a décidé de quitter Fun Radio. Tu nous as expliqué ça avant-hier. Ouais. Parce qu'il a deux passions dans la vie. La radio. Ouais. Voilà, et le sexe. Et le sexe. Bien sûr. Et c'est vrai que les métiers du sexe, on a beaucoup d'a priori là-dessus. Oui. Mais Mika, va redorer un peu l'image du travailleur du sexe. Et parce qu'il le fait avant tout avec plaisir. Et c'est mieux payé. C'est ça surtout. Les gens auront besoin d'un petit peu d'entraînement pour dire merci Jackie et Mika. Ouais, c'est sûr. Au début, tu vois, ils vont pas avoir le réflexe tout de suite. Oui, parce que Michel, à l'inverse, va animer le 9h midi. Exactement. Oui, il fait le chemin inverse. Il va devenir animateur radio. Il va prendre une petite douche avant quand même. Excusez-moi, j'entendais le message là qu'on t'a laissé. Est-ce qu'on peut le recaler? Qui est cette personne? Coucou Mika, c'est Anna de Fun Radio Nîmes. Je te fais des gros bisous et je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. C'est bon, parce qu'elle me chauffe. Et tu peux peut-être l'engager. Non, on est jolie en vrai qu'il l'a déjà vue. On la connaît hyper bien. Elle a été là. Enfin, tu l'as pas croisée toi visiblement, Elliot, mais elle a été assistante notamment chez Marion Anso pendant longtemps et maintenant elle fait de la radio à Nîmes. Elle est super. Ouais, elle est top. Bon, Mika, écoute, et nous on n'apparaît pas sur le message. Et pourquoi? Parce qu'on est en direct. On est là. Félicitations pour ce que tu vas faire après. On peut dire maintenant dans quoi tu vas bosser, hein? Ouais, bien sûr. Je vais bosser dans du développement web. Je vais intégrer une équipe dans une boîte qui s'appelle le Slip Français. Tu nous auras des trucs ou pas? Bien sûr. Avec Mika, on met le slip français. Moi, je mets des caleçons anglais, du coup. ça m'intéresse moyen, mais ok, allez-y. Bon, Mika, en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir derrière nous. La façon de parler à l'antenne à 9h15 tous les matins. On t'en a fait voir de toutes les couleurs, souvent. Je sais que le châtelain, ça vient de nous, cette expression, parce que tu nous as tellement parlé de cheval qu'à un moment, on t'a comparé à un roi. Sois roi dans tes nouvelles activités professionnelles. On garde que des bons souvenirs de toi, mon frère. Un mauvais quand même, mais on va pas dire lequel. Mais si, elle avait 17 ans, Mika. Ouais, enfin bon, elle a décroché un job à Nîmes maintenant, donc. Allez, on passe à la suite. Écoute, franchement, en deux petits mots comme ça, merci. Alors, merci d'une part à tous ceux qui ont prêté leur voix dans ce message. Ça me fait tellement chaud au cœur, j'en ai même du mal à trouver les mots. Merci mille fois. Merci à vous, la famille, le matin, d'abord à la nuit, parce que j'ai commencé là, aux 2h, 6h. Les premiers passages d'antenne, puis au 9h midi. Merci pour votre soutien, pour votre confiance. Je vous embrasse très très fort, je vais pas pleurer, hein. Il faut pas. Te reste quand même que... Toi, attends, 9, 10, 11, 12, 3 heures d'émission à faire. Déjà vous venez pour mon petit pot tout à l'heure. Bien sûr, évidemment. On vient pour ton petit pot. Mika vous accompagne jusqu'à midi les amis. Et nous on sera de retour demain à partir de 6h. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Allez, bisous papa. Et profites-en bien, là tu peux balancer n'importe quoi jusqu'à midi. Allez, lâche-toi. Tout est prévu, vraiment. Mais oui, c'est ton dernier, mais dis même des gros mots. Ouais. Bien sûr, évidemment. Ah, moi, je ne suis pas la prog aujourd'hui, je fais ce que je veux. Eh bien, bien sûr. Il y aura du rap, il y aura du rap, il y aura tout. Eh bien sûr, tu peux mettre Jaja. Mais bien sûr, on va mettre tout ça. Ah ouais, Slipknot, System of a Down. Linkin Park. Tu peux mettre Jean-Jacques Goldman, je te donne. Je te donne. La radio qui part dans tous les sens. Merci, Mika, jusqu'à midi. Allez, voici Dimitri Vegas. Bisous, la famille. Ciao. Bisous. Ciao, Mika, prends soin de toi. Merci. Bonjour la famille, 9h17, c'est le dernier 9-12 pour moi, ça fait du bien de vous retrouver. Fun Radio. Et je vous cache pas que ça fait tout drôle, merci à toute l'équipe de Bruno dans la radio, merci à vous tous, vraiment vous tous auditeurs, et merci mille fois à tous ceux qui ont prêté leur voix dans ce message. Si vous n'avez pas entendu, je vais vous le remettre évidemment sur mon Facebook, Mika Fun Radio. Je ne pleurerai pas avant midi. Bon, sinon, vous êtes en voiture direction le boulot. Plein de courage, les amis. C'est Z qui arrive dans ce 9-12 DJ Fun Radio parce que vous êtes sur la radio des DJ. Z et Calvin Harris. Tout ça arrive avant la demi sur Fun Radio. Qu'est-ce que tu viens d'entendre sur l'antenne de Fun Radio ? Eh bien, je viens d'entendre le double fun avec les deux titres de Martin Garrix. Ophélie, l'iPhone 10S, c'est gagné ! Merci, Fun ! Pour gagner le nouvel iPhone 10S, écoutez Fun Radio. It's amazing. Salut, c'est Bruno. Job, taf, emploi, boulot, vous galérez pour trouver du travail. Avec Temporis, on va vous aider. Alors affûtez vos CV, téléchargez l'appli Temporis et inscrivez-vous. Et comme on ne fait pas les choses à moitié, rendez-vous tous les jours dans mon émission pour tenter de gagner un scooter. Pratique pour aller bosser, non ? Alors c'est qui le patron ? Temporis, premier réseau national en franchise, intérim et recrutement. Conditions sur funradio.fr et temporis.fr. Fun Radio. En vrai.

sweet till your fingers bleed. But don't you dare ask me how I've been. Now only you know the strength in your teeth, the washing the weight of your pockets so deep. Choisis Fun Radio, vous avez bien fait. Je m'appelle Mika, c'est le 9h midi, le dernier pour moi. Bonjour. Ah, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous êtes peut-être au boulot en train d'écouter Fun Radio. On s'ajoute sur Facebook, Mika Fun Radio. Ouais, j'ai envie de savoir ce que vous faites en m'écoutant là aujourd'hui, en ce jeudi. Plein de courage et surtout, dites-vous que demain c'est le week-end. Ah, ça fait du bien ça. LSD, La Brincie à Diplo, ça arrive dans moins de 3 minutes. LSD et Keymotion pour la suite. Ça arrive avant la demi sur Fun Radio, on y va. Tous les soirs, 20h, 22h, Marion et Enzo, le Night Show sur Fun Radio. Je suis Aladdin, prince de Bagdad. Salut, c'est Marion et Enzo. Cette semaine, dans le Night Show, on vous offre votre PlayStation 4 à l'occasion de la sortie du film Aladdin 2, la suite des nouvelles aventures d'Aladdin. Et dis donc, Marion, pendant que je te tiens, t'aurais pas le 06 d'Aladdin ? Pourquoi ? Écoute, je suis très inquiète, mon génie veut plus sortir de sa lampe. Mince, c'est peut-être un petit coup de mou. Il a peut-être des soucis avec sa meuf. Tous les soirs, 20h, 22h, here we go ! Marion et Enzo, le Night Show sur Fun Radio. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée de Pierre qui change. Avec le lancement de Call of Duty Black Ops 4 en avant-première dès ce soir. Pierre, annule tout ce que t'avais prévu ce soir, c'est-à-dire rien, et viens t'emparer du dernier Call of. Il t'attend. Dès ce soir 20h et jusqu'à mardi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. Et vos soirées changent. Auchan. Et en plus, un cadeau exclusif offert aux 20 000 premiers acheteurs. Voir conditions en magasin, jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. La bonne idée bute pour un sommeil réparateur. On s'allonge, on bouge plus. Ah, et on écoute la dame. En ce moment chez But, moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Ergosoft Dreamea qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Fun Radio présente. Bruno dans ton club, samedi soir. Au Vegas, à Saintes, en Charente-Maritime. Bruno dans ton club, ça débarque chez vous et on est bouillant. Bruno dans ton club. La soirée Bruno dans ton club, au Vegas, à Saintes, en Charente-Maritime. C'est avec Fun Radio. The Sound Dance Floor. Oh là là, pour les derniers jours du mois Carrefour, il y a 70% d'économies sur plein de produits, comme sur les tablettes de chocolat Milka. Non mais 70% d'économies, c'est dingue ! Résultat des courses, fondre de plaisir sans faire fondre ses économies, c'est ça le bonheur ! Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Jusqu'au 15 octobre, profitez de 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur plein de produits Carrefour. 6 fois 100 grammes, modalité et liste des produits sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Histoire d'or présente, moment précieux. Hé, hey, je crois que je suis super amoureux de Léa. J'ai envie de la voir tout le temps, de la couvrir de bijoux. Ah mais c'est génial. Mais pourquoi on court là? Parce que les moments précieux, c'est maintenant chez Histoire d'or. Découvrez des remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection de bijoux. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Voir conditions en magasin et sur histoiredor.com. Leclerc. Juliette, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le jeu Call of Duty Black Ops 4 débarque le 12 octobre chez Leclerc au prix de 51,69€. Papa, tu me cries dessus là. Un jeu comme ça, à ce prix-là, dès le jour de sa sortie. Ok. Profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Du 12 au 13 octobre, le jeu Call of Duty Black Ops 4 pour PS4 et Xbox One est à 51,69€. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Jeux violents, déconseillés aux moins de 18 ans. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Your love, and I ain't been strong enough. see clear enough? Do you look past the dust you left behind? And I can't get high enough to forget why I cry. So sur Fun Radio. Et vous avez bien fait de choisir Fun Radio, la radio de vos DJ préférés. On y va avec le trio LSD dans quelques secondes et Keymotion maintenant dans le 9-12. Bonjour, c'est Mika. Tout de suite, une nouvelle session de plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. Fun Radio, c'est la famille. C'est la famille. Good time. Every last breath I swear I tasted. Her skin on my skin, I can't erase it. Every time I start to think of you, I remember about a summertime of love. I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl, I'm over that girl. Oh, what? Yeah, yeah. And I thought that we'd be making magic, living the life and stopping traffic. Memories now, I swear they're fading. Cause darling, your love is overrated. Every time I start to think of you, I remember about a summertime of love.

the soul. Just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. C'est Fun Radio, c'est Mika, on est en plein cœur de plus de 40 minutes de Sur Dance Floor non-stop. C'est cool de vous retrouver pour ce jeudi. Bon courage au boulot les amis, la suite c'est quoi? C'est Goline en nouveauté Fun Radio et Kaigo maintenant dans le 9-12.

écoutez Fun Radio. Ok, ça tourne, c'est VSO. Fun Radio. C'était connu sur un banc, pour moi c'était pour un temps. Pourtant, je me voulais rien pour toi. Tous les deux sous un ciel turquoise. Et on buvait n'importe quoi, on faisait n'importe quand. Tu dis, j'étais pas vraiment le genre idéal. J'étais dans des bails, donc je t'ai mis des plans. On s'était calé devant ce petit carré de plage. J'ai vu s'effriter le temps comme une plaquette de hache. Et quand j'ai levé le gant, toi tu m'as traité de lâche. Arrête de bouder du temps, balle, rien n'est important. Le ciel est mauve comme un billet de banque. Tu étais nu comme un billet de vent. Comme un oiseau qu'on a privé de cage. On fait des choses dont je tairai le nom. Pas bel le nom que j'écris pas dans mes pages. Pourquoi ça danse encore dans ma tête? Moi je préfère que tout redescende. Des années, des mois, des semaines, s'il te plaît, retiens-moi de décembre. T'es jeté à mon offrande pour un cœur en naufrage. Des regrets à revendre depuis que j'ai pris le large. Tout là-haut la lune est blanche et moi je rougis de rage. Mais maintenant c'est trop tard, c'était important. J'ai mon clan, je peux pas quitter ma bande. J'ai tendance à délier les langues. Mais moi-même je garde tout en moi. Un jour peut-être je vais combler le manque. Ou bien brûler le monde, est-ce que j'ai vraiment le choix? Fun Radio. Ici c'est Fun. Le son Dance Floor. Same and I wanna meet her. Instant classique de David Guetta et Con. Sur Fun Radio, c'est Mika. Allez, go, go, go. Fun Radio. J'ai du cadeau pour vous, les amis. Il faut m'appeler maintenant, 3228. Je vous envoie à la maison le Blu-ray du film Fun Radio Jurassic World Fallen Kingdom. J'en ai plein. Alors, il faut m'appeler. Ce qu'on fait, c'est que je prends les 10 premiers, comme d'hab. Mon numéro, c'est le 3228. Il faut m'appeler, genre, maintenant. Bonne chance. Le dernier DJ Snake avec Selena Gomez. Découvert sur Fun Radio, Taki Taki, ça arrive. Fait du bien ce morceau, j'adore. Il fait partie de la grande famille des DJ Fun Radio, DJ Snake. Le voilà dans quelques secondes. Et juste avant lui, voici Martin Garrix. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Mika. Fun Radio. Fun. Be right here. Fun Radio. On Fun Radio. Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Est-ce que vous êtes prêts? Tu te rappelles la première fois que tu as vu un dinosaure? Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono! Et à l'occasion de la sortie en Blu-ray et DVD du film Jurassic World Fallen Kingdom. Quelque chose approche. C'est le T-Rex, c'est le T-Rex. Tentez de gagner votre iPad. C'est gagné! Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Jurassic World, Fallen Kingdom. Il faut nous sortir d'ici. Actuellement disponible en Blu-ray et DVD. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la soirée de Pierre qui change. Avec le lancement de Call of Duty Black Ops 4 en avant-première dès ce soir. Pierre, annule tout ce que t'avais prévu ce soir. C'est-à-dire rien. Et viens t'emparer du dernier Call of. Il t'attend. Dès ce soir 20h et jusqu'à mardi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Call of Duty Black Ops 4 à 51,99€. Et vos soirées changent. Auchan. Et en plus, un cadeau exclusif offert aux 20 000 premiers acheteurs. Voir conditions en magasin, jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Papa, on voudrait partir en week-end avec Hugo et Thomas, mais on aurait besoin de ta voiture. Et qui va conduire? Thomas, il vient d'avoir son permis, mais il conduit pas bien. Bon, ok. Oh, merci. Dis-moi, Thomas, c'est bien celui qui est hyperactif? Ouais, mais ça va mieux. Parfait. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En octobre, pour l'achat d'une Polo, profitez d'une reprise plus jusqu'à 3 000 € sur votre ancien véhicule, sous condition de bénéficier de la prime à la conversion gouvernementale. Conditions sur service-public.fr et volkswagen.fr. Portes ouvertes les 13 et 14 octobre. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a jusqu'à moins 40% sur les cuisines. Oui, jusqu'à moins 40% sur tous les styles et tous les coloris. Pour enfin vous offrir la cuisine de vos rêves. Conforama, jusqu'au 19 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Pour sa sortie chez Carrefour, le jeu Call of Duty Black Ops 4 est à 51,69€ au lieu de 64,95€. Non mais 51,69€ seulement! Résultat des courses, je suis le grand gagnant des économies. Le mois Carrefour, c'est bientôt terminé dans vos hypermarchés Carrefour. Dès ce soir 20h, pour sa sortie, le jeu Call of Duty Black Ops 4 est au prix exceptionnel de 51,69€ au lieu de 64,95€. Carrefour. PS4 ou Xbox One, prix de lancement valable du 11 octobre 20h au dimanche 14 octobre. Modalité liste des produits sur carrefour.fr. Déconseillé aux moins de 18 ans. Cister présente, vous avez un colis. Chaque semaine, 5 familles, dont celle de Jean-Pascal, vont recevoir 7 colis et tester toutes sortes d'objets, du gadget à la vraie nouveauté utile. Ou pas. Un aspirateur bionique, un casque sèche-cheveux, une tente hamac, un jacuzzi gonflable. Nos familles vont partager avec humour et légèreté leur avis sur ces colis. Vous avez un colis? C'est tous les vendredis à 21h sur Cister.

vous entrez dans une zone dance floor. Vous faites bien d'avoir choisi Fun Radio, c'est Mika, c'est le dernier 9-12. Voici Julian Peretta et Kungs. On y va ensemble, bonjour. On repart pour plus de 40 minutes de son dance floor. Avec tous vos tubes et les meilleures nouveautés. This is fun. Hey. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be with you when it's dark out, underwater, and you can't breathe. I'll be with you when it's past three in the morning, and you can't sleep. I'll be here for you when your heart breaks, when you lose faith. Yeah, I promise I'll be ready. I'll be ready. I'll be ready. Bomb. plus fraîche, moi. Ouais, ouais, ouais. Le son Dance Floor. I heard you tonight, like a line of a melody. Yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times, played out in a cemetery. Yeah, I'll toast to the times, 'cause I'm falling for every sign. Calling out for you, calling out for me, chasing the sound. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Dies, but a bullet went into me, and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery, and I'll fall to the fire. 'Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sound, still I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. My sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. My sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hardest to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. C'est Fun Radio, c'est Mika. Bonjour tout le monde. Dernier 9-12 pour moi. Oh là là là là. Bon, il faut absolument que je fasse un petit mot et je vais prendre une minute parce que c'est extrêmement symbolique pour nous deux. La pression que tu mets déjà. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, c'est la voix de Rémi. Je pense que vous l'avez reconnu. Oui, vous bonjour. Vous le retrouvez le week-end, Rémi. Alors, non, c'est hyper symbolique parce que moi, je voulais absolument lui faire un bisou et puis je veux que vous entendiez ça, les amis, parce qu'on est à la radio et on a commencé la radio ensemble avec Rémi. Au-delà du fait qu'on se soit rencontrés en stage, parce que c'est lui qui m'a appris en tout premier. Je tiens à dire que Mika, c'était quand même. Moi, j'étais stagiaire à l'époque. Mais oui. Mika, c'était mon stagiaire, le stagiaire du stagiaire, c'était énorme. Et au-delà de ça, et au-delà du contact professionnel, c'est devenu juste tout simplement l'un de mes meilleurs potes. Voilà, mon poulet, c'est hyper symbolique à 10h50 aujourd'hui de se faire un petit mot tous les deux. Ah, grave. Merci pour tout. Je sais qu'on va se recroiser évidemment professionnellement. De toute façon, ça c'est clair. Je sais pas où ni comment, mais on va se retrouver. Et puis tu me dois toujours un resto, ne l'oublie pas quand même. Hein. Je te fais d'énormes bisous. Bisous, mon poulet. Et en vrai, c'est toi qui me dois un resto, en forêt. C'est vrai? Oui, oui. Ah merde. C'est vrai que tu vas. m'as invité mardi, j'avais oublié. Et tu sais quoi, cette intro, elle est symbolique, je sais pas si tu te rappelles. Hangover, mais Tayo oui. Cruz. La première fois qu'on a parlé, c'était là-dessus, Tayo Cruz sur Fun Radio, un kiff. Got a little bit trashed last night, I got a little bit wasted, I got a little bit mashed last night, I got a little wasted, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homies, Tayo, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the beggar sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, oh up. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. Son Tough and Back est sur Fun Radio. Fun Radio, le son Dance Floor. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt dance are turning ugly into Neverland. Yeah, it's my intent. I want you to be my number.

cintura, cintura. Nouveau son. Fun Radio. Criss Cross Amsterdam. Whenever, wherever, we're meant to be together. Fun Radio. Le son dance. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. We can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mom's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. C'est Fun Radio, c'est Mika, dernier 9-12 pour moi. Alors, je lui passe l'antenne tous les jours depuis 3 ans et demi. Il était impossible, impensable que je fasse cette dernière émission sans un petit mot avec Fred qui est au midi 16h de Fun Radio. Pourquoi je t'entends pas, ma poule? Pourtant, ah bah si, ton micro, change de micro peut-être, je pense que celui-là il est mort. Alors parle plutôt. Ah, ah l'enfoiré. Faire du playback en radio pour faire flipper le mec qui a la console à la technique. Il fait oh putain, je foire ma dernière émission. Non, c'est pas vrai, en plus je fais gaffe depuis tout à l'heure, le micro il était allumé, je me dis mais pourquoi. Mais oui. Bon ma poule, non, c'était important et symbolique tout autant que Rémi, on l'a fait tout à l'heure ensemble. Moi je voulais absolument un petit mot avec toi parce que ça fait 3 ans et demi qu'on se passe l'antenne, 3 ans et demi bah qu'on est potes en fait et yes. Que au-delà de la radio et ben bah, c'est un ami avec un grand A et je te fais d'énormes bisous. Tu dis ça bisous. Parce que je t'ai emmené à Ikea avec ma voiture la semaine dernière, c'est tout quoi. Ça c'est vrai. Non franchement, ça m'a fait super plaisir de bosser avec toi. Ça fait quelque chose que tu partes et voilà. Moi aussi, je sais qu'on va se recroiser très vite. J'espère que tu feras une soirée raclette cet hiver chez toi. Évidemment. Quoi. Évidemment. On peut le dire que tu reprends le 9-12. Ah oui, ça y est, j'ai pas signé, mais je reprends. Tu vas voir, il y a plein d'auditeurs. Cool, j'adore. Je kiffe déjà. Allez, bisous, mon poulet, à toutes. Tu connais ça, c'est nouveau? Oui, Kinia Silva. Ah, moi je connais pas. Bah, tu vas le découvrir dans ton émission. Kino Silva sur Fun Radio. On dit Kino apparemment. Comme je vais reprendre ton émission, je fais ce que je veux maintenant. Moi je dis Kinyu Silva. Kinyu et là Silva. C'est Dimitri Vegas et Nike Mike avec Opa. Exactement. Voilà. Je te fais des bisous à tout et à là l'heure. Tu vas envoyer la pub. Exactement. Pour ton salaire, encore sur une fois. Fun Radio à midi. Ciao. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Voilà. Merci, je suis super contente. Et ben ça s'entend. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Nancy? J'ai 22 ans et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. 349,51 €. C'est ça. Je te paye ta facture, je te paye ton loyer. Et ben c'est super, je vous remercie beaucoup, je suis trop contente. Bruno dans la radio. Reviens demain

Dans une zone dance floor. Oh là là, on s'approche du dernier speak, les amis. Dans le 9h midi sur Fun Radio, c'est Mika. La suite, c'est Martin Solveig et Dinero. Maintenant, on repart pour plus de 40 minutes de son dance floor avec tous vos tubes et les meilleures nouveautés. This is fun. Hey. Yeah.

free fall. Got me on hold, but I'll keep waiting for you. For a minute you can use my love. Upon a hill across the blue lake, told you were a child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs. We might be all a friend. Les amis, je crois que je vais avoir la voix qui tremble et jamais je vais réussir à faire un mot sur Fun Radio qui en plus terminé par la Swedish, c'est un truc de fou. Cette famille Fun Radio qui est réunie autour de moi, mais comment vous dire mille fois merci. Merci pour tout, je vais profiter, je vais prendre 30 secondes. Merci pour cette aventure incroyable, j'ai commencé ici en 2011. Là vous êtes tous là, c'est super dur. Merci mille fois, merci à vous auditeurs de Fun Radio. Continuez à écouter cette belle radio parce que les gens qui la font sont splendides, extraordinaires, vraiment passionnés. J'ai rencontré tout au long de ces 6-7 années au sein de Fun Radio des gens incroyables qui sont devenus des potes. Merci mille fois, merci bien sûr à ma direction, Tristan, Seb, Pedro, pour leur confiance. Bah oui, mais je suis obligé, évidemment. Tout ça pour avoir c'est un chèque à la pour fin. Les sucer, quoi. Ouais, mais on sait jamais de quoi est fait la vie, quoi. Tu vois, on sait pas. Tu vois. Donc voilà, merci infiniment. Je retiens tellement de belles choses. Je crois que la plus belle, et elle me marquera à jamais, c'est d'avoir d'avoir fait cette émission sur le toit d'Ibiza face à la mer. Je le dirai à chaque fois, mais je crois que jamais j'oublierai ça. Voilà, pas un mot trop long, juste un énorme merci, plein de sens, énorme et très très grand. Merci beaucoup Fun Radio. Et comme un jour a dit un super grand gars de radio, il a dit ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Peut-être qu'on se retrouvera, je ne sais pas. Merci mille fois, vous êtes des amours. Lucas, c'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est notre 829e passage antenne. On a vécu plein de moments radiophoniques ensemble. Bah ouais. Fred et Nika dans les bureaux de la radio, c'était Dupont et Dupont. Bon bah là, ça sera juste Dupont, hein, puisque tu te casses. Et aujourd'hui, jeudi 11 octobre 2018, tu as eu plein de messages de potes diffusés à 9h chez Bruno dans la radio qui adorable. Est ici. Mais c'est pas terminé. Pour la dernière fois, tu vas entendre ton jingle, Mickaël Châtelain, et surtout plein d'au revoir avec un spécial pour le tout dernier. T'es prêt? Bah je suis très prêt, mais vas-y, ça. Vas-y. Royal Salut Mika, c'est Sébastien Joseph, ton directeur des programmes adoré que tu as regretté. J'ai oublié de te demander depuis qu'on travaille ensemble. Au fait, t'es slip ou caleçon? Parce que moi je suis slip. Coucou Mika, c'est Bruno. Écoute, je voulais te souhaiter bonne chance pour la suite. J'ai été ravi de partager ces passages d'antenne avec toi pendant plusieurs années. Après, je trouve juste moyen le fait que t'assumes pas d'aller faire contorsionniste dans un club échangiste de région parisienne. Mais bon, en tout cas, on sait pourquoi tu faisais du cheval. C'était une image en fait. Je t'embrasse. Salut Mika, c'est Foucault de Fun Radio Méditerranée. J'ai eu la chance de faire ton standard à Paris il y a quelques années. Je peux te le dire maintenant, tu as vraiment l'un des plus beaux standards que j'ai connus. Hein. Bien gros et tout, enfin bref. Rappelle-moi assez vite, une bise mon poteau, j'attends les vêtements gratos avec impatience et comme tu le dis, bah bien sûr. Salut mon Mika, bon écoute, je crois que j'ai pas besoin de me présenter vu qu'on passe notre temps à s'appeler 15 fois par jour. Mais voilà, juste un petit message pour dire que tu vas grave me manquer. Ça me fait bizarre parce qu'on avait commencé la radio ensemble, je me rappelle encore quand on enregistrait nos petites maquettes rue Bayard. Donc je te souhaite évidemment plein de bonnes choses pour ta nouvelle aventure, gros bisous. Salut Mika, c'est Alex à Nancy, je tiens vraiment à te remercier pour m'avoir transmis la passion de la radio. Dans tout ça, bon courage pour la suite, tu vas vraiment nous manquer, ciao mon pote. Salut Mika, c'est Greg. J'avoue que je suis trop dégoûté que tu quittes Fun Radio, mais en même temps ça m'arrange un peu. J'ai un petit problème avec mon PC là. On m'a dit que t'allais devenir développeur web. Je sais pas, quand je démarre Chrome, j'ai pas Google, et même quand je mets google.fr, ça me met Yahoo. Donc n'hésite pas, tu passes à la maison pour me dépanner ça dès que t'as le temps. Salut mon châtelain, Corentin de Fun Belfort. Je te fais un gros bisou pour ta dernière. Après avoir galopé dans les ondes de Fun Radio, te voilà maintenant parti pour devenir développeur avec ton cheval de Troie. Ouais, j'ai pas trouvé mieux comme transition, non. Gros bisous Mika. Salut Mika, c'est Karel, je suis avec Alice. Hey! Je suis avec Kassim. Oui. Et on voulait souhaiter vraiment le meilleur pour la suite. On sait que tu pars pour de nouvelles aventures et notamment la comptabilité. Oui. Il fait quoi Mika? Mais non, il va gérer des chiens de traîneau, il me semble, ça n'a rien à voir. Il va pas être garde forestier surtout? Ouais. Bon, écoute, quoi qu'il arrive, tu resteras notre ami et tu pourras revenir ici quand tu veux dans la famille Fun Radio. On te fait des gros bisous, on te souhaite le meilleur et je pense fort à toi. Bisous! Salut Mika, c'est Mikosé. Je voulais te faire un coucou, te souhaiter évidemment bonne route pour la suite. Si je dois garder un souvenir de tes années Fun, c'est sans doute la première interview qu'on a fait ensemble à Toulouse, si je dis pas de bêtises, pour Fun avec Mathieu Boutier et Joachim Garou. Et je garde également d'excellents souvenirs de nos week-ends à Tomorrowland, week-end interview, et c'était plutôt chouette. Donc bonne route à toi, c'était Mikosé, je t'embrasse. Salut mon poulet, c'est Matt de Party Fun. Et ben voilà, je te fais un gros bisou pour ta dernière. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et de toute façon, on se revoit très vite parce que on a plein de mojitos à rattraper. Bisous mon pote. Salut Mickaël, c'est papa. Tu fais tienne une citation de René Char. Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Toi, tu as choisi, tu accomplis ta vie, bravo, c'est le bon choix. Et n'oublie pas, regarde toujours devant toi et ne te retourne que pour contenter le chemin déjà parcouru. Bravo mon fiston, très belle et très longue vie à toi mon fils. Ta mère et moi t'encourageons et t'embrassons très fort. Dernière émission de Mika Le Châtelain, ici en direct sur Fun Radio dans toute la France. Je peux vous dire, il a les larmes aux yeux, le mec est en train de chialer. Je crois qu'il n'arrivera plus à parler. Ok, si. Allez. Je vois les larmes d'ici à 10 mètres de distance. Ah non, mais là vous... déjà ce matin, c'était super dur de rester bien, quoi, sans pleurer tout ça. Mais là, je peux pas en fait. Dis, mais vous êtes des amours, papa. Mais je te remercie, mon premier auditeur depuis que j'ai commencé cette radio, vous tous. Mais là, c'est trop. Tu peux lui faire un coucou, il te regarde en ce moment à la caméra sur funradio.fr. Bisous mes parents, merci à vous. Merci pour votre soutien et merci à vous tous. Je vous kiffe, putain, je vous kiffe. Merci. Mika, avant que tu partes, on a plein de cadeaux pour toi. On va te les donner si tu veux les ouvrir vite fait en direct. Grave. Parce qu'on a du temps. Merci. Parce que c'est mon émission, donc je fais ce que je veux maintenant. On peut lui donner le cadeau, hein, si vous voulez. Maintenant, comme il est assez lourd, tu vas vite l'ouvrir. Ouais, comme c'est de la radio, on va décrire tout ça en direct. Et c'est énorme, votre truc. Ouais, mais il n'y a pas que ça, tu vas voir. Ah oh là. Ah, il a pas compris la vanne, c'est pas grave. Allez, on se dépêche. Il ouvre. Ouais, on entend même le bruit et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, les gars, sans déconner, quoi. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une platine vinyle. Une platine vinyle. Mais et ouais, qui fait radio aussi, comme ça tu pourrais écouter Fun Radio dans ton nouveau taf. Oh là là, mais je vous adore. Eh, heureusement, on n'a pas d'écoute de pige pour faire un speak trop long, c'est bien. Non, c'est bon, là ça fait 10 minutes. Mika, là, c'est cool. Tu vas continuer à ouvrir tes cadeaux. On va écouter le son de Martin Garrix. On va aussi boire un coup. Et tu sais quoi, je te laisse annoncer pour la dernière fois, faire une intro, caler une intro, donc te foire pas. Tout le monde t'écoute avec le son de Martin Garrix. T'es prêt? Allez, vas-y. C'est Fun Radio, c'est Mika, ça fait du bien de vous retrouver. C'est comme si on attaquait un tout nouveau 9h midi. Oh non, c'est terminé ça. Ah bah si, c'est comme si j'ai envie de le jouer comme ça, j'ai le droit. Tout nouveau 9h midi. Et c'est Fred d'ailleurs qui va prendre la suite de ce 9-12. Voici Martin Garrix pour attaquer le midi 16h. Bisous, ciao! Oh,

bite your lips up. Bite your lips up. How you do it, so? Every time, that time you make me speak, so. Every time, that time you make me speak, so. Every time, that time you make me speak, so. Bite your lips up. Wine pon the rhythm like a lipsa. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my butt before the intro. Allez, passez tous un bon jeudi midi ici en direct sur Fun Radio. Moi, je m'appelle Fred, ici dans les bureaux de Fun. Il y a de l'émotion avec mon pote Mika qui a fait sa dernière émission aujourd'hui. Bah là, avec toute la famille Fun Radio. Je vous dis tout ce qui se passe. Ils sont devant le studio en train de prendre un verre, en train de manger des cacahuètes. Donc, je vais vite vous annoncer la suite du son sur Fun Radio avec le nouveau Bassada à foutre à fond derrière DJ Snake. Et bah, moi aussi, je vais prendre un petit verre. Fun Radio. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh oh oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Accorde-moi de ton temps, je ne t'ai demandé qu'une nuit. jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Nicolasson, dis-moi pourquoi tu fuis, toi qu'est-ce que je suis, Nicolasson. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, Nicolasson. Dis-moi où est-ce que tu vas. Que tu vas, non, non, ne t'en va pas, Nicolasson. Nicolasson. Nicolasson. Nicolasson. Nicolasson. Nicolasson. Vos sons Fun Radio. Bassada. Fun Radio. Le son Dance Floor. Your GPS in the after. Girls get in the back, we ride. The beach on the 405. Bikinis day and night. Bay bands and clear blue skies. Summer's right on time. Forcément, vous êtes tous les bienvenus ici dans la famille Fun Radio. Et moi, je m'appelle Fred. À l'instant, là, je viens de vous lâcher plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. C'est promis, je vais remettre ça super vite. Juste avant, cadeau pour vous, le DJ numéro 1 en France en ce moment. Il s'appelle Calvin. Vous connaissez, c'est lui. Calvin Harris avec Sam Smith, Promises. C'est ce qui arrive ici dans moins de 5 minutes sur Fun. J'ai rien. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno sur Fun Radio. Tu m'as envoyé une facture de 122 2,36 €. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un billet d'avion aller-retour pour rentrer passer le réveillon du 31 avec mon chéri. Pourquoi il est où, ton chéri ? Il est à Bastia. On lui fait une surprise avec son meilleur ami. Ah, génial. Trop cool ! Tu sais quoi, je te